accueillir ces salopards. Ah, c'est absolument stupéfiant. Et d'ailleurs, je crois que c'est le ministre des Affaires étrangères, accompagné du ministre des Affaires familiales, de la ministre. On ne voit pas le lien. Le message évident est clair. Ouais, voilà, le message est clair, effectivement. Non, mais et je veux dire, faut être. Pour penser, comme Asfino ou d'autres, que le djihad des ventres est un complot, mais je veux dire, faut être totalement aveugle. Faut en avoir une sourde. Donc, en plus, ce qui est très marrant, c'est que bon, c'est quand même un gouvernement de droite. Enfin, c'est un truc qui est quand même pro-fasciste. Et moi, je suis stupéfié de voir la presse de gauche, et voire d'extrême gauche, muette. Et j'ai même vu un article de Courrier International qui critiquait le gouvernement hollandais. Et qui l'accusait de racisme. Oh là là, c'est magnifique ça. Ils sont totalement dingos. Et moi, ce qui m'inquiète quand même beaucoup, c'est que, bon, on parlait de djihadistes organiques, qui étaient un petit peu, implantés dans la mentalité collective individuelle des boukaks, mais t'as aussi le djihadisme organisé avec. Derrière des services d'État, c'est également quelque chose qui existe. Oui, parce que parce que là, c'est pas les Algériens, effectivement, les Turcs au niveau organisation, c'est pas des voilà. Voilà, c'est ça, c'est pas la même chose. Donc quand tu penses que chacun des petits boukaks est passé par la Turquie et qui va revenir sur le sol avant de toucher ses allocations familiales, qu'est-ce que le gouvernement turc va lui dire Moi, ça m'inquiète beaucoup tout ça. Bah, d'ailleurs, le roi de Jordanie, ça a été rapporté par la BBC, hein. Il a dit dans une interview d'avril 2016 que Erdogan était derrière les attaques terroristes en Europe. Il l'a dit, c'est un chef de l'État en fonction qu'on ne peut pas qualifier de complotiste qui a dit, voilà, si vous avez des attentats au Bataclan, si vous avez des attentats dans vos aéroports à Bruxelles, etc., c'est Erdogan. Qui a un agenda bien particulier. Et ce mec-là menace, il a même dit il y a quelques jours, que si on ne laissait pas ses ministres démarcher les musulmans en Europe, et les musulmans turcs capables de voter, il mettrait le feu aux poudres. Dixit, hein. Il dit le feu aux poudres. Et encore pire, et ça c'était il y a 3 jours maximum, il a dit, et c'est bien parce qu'au moins il assume, il a dit qu'il invitait les musulmans, les turcs et tous les étrangers en Europe à se coaliser pour mener la guerre contre l'Europe. Ça a été formulé comme ça par Erdogan. Donc il devient le grand leader du djihad et de tous les métèques présents en Europe. Il se pose comme étant le grand chef en disant, voilà, si vous ne faites pas mes volontés, on va utiliser les métèques, on va utiliser les musulmans, on va utiliser les turcs contre vous, ça va être la guerre, etc. Et d'ailleurs, pire que ça, le ministre des Affaires étrangères a dit qu'une guerre de religion en Europe était inévitable. Là, il y a eu toute une série de déclarations comme ça. Il y a eu, évidemment, ce dont on a parlé, mais il y a eu les déclarations d'Erdogan, les déclarations de son ministre des Affaires étrangères, c'est les déclarations de son ministre de l'Intérieur, qui ont toutes été absolument claires. Donc, comme tu l'as bien dit, Magdav, Erdogan, pas plus tard qu'aujourd'hui ou hier, a invité les femmes turques à faire 5 enfants et non pas 3, donc djihad démographique. Mais en plus, il y a eu les menaces de guerre de religion ouvertes de la part du gouvernement turc contre les Européens, etc., etc. Donc c'est vraiment un agenda qui est clair. Genre, c'est pas des gens qui se cachent, c'est pas des gens qui hésitent, c'est pas des gens qui s'oublient. Non, c'est une rhétorique qui sort de du gouvernement turc à tous les niveaux, affaires étrangères, intérieures, présidence, etc. Et ça nous rappelle. Et là, l'Europe a accepté les Pays-Bas. L'Europe a accepté les Pays-Bas. Se couche lamentablement devant Erdogan. Voilà, c'est ça. C'est le grand concours de qui se couchera le plus bas. Voilà. Et rappelons qu'on a quand même des candidats, certes très très modestes, mais des candidats à l'élection présidentielle française qui vous expliquent qu'il n'y a pas du tout de confrontation avec le monde musulman. Ça n'existe pas. C'est une vue de l'esprit. C'est quelque chose qui. On ne sait même pas d'où ça sort. Enfin, c'est un complot, on présume, américain, c'est ça? Avec Donald Trump à la tête, c'est ça? Donald Trump, le C'est ça, c'est grand. ça. Voilà, c'est un Voilà. grand fomenteur du complot djihadiste international, Donald Trump. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, voilà. Et ben, En fait, c'est. t'as le vieux Erdogan qui a sorti son vieux chibre de turc, là, et t'as toute la gauchiasserie européenne qui fonce rampante pour se précipiter en rampant, bien sûr, sur Non, mais son chibre. le truc qui est fascinant, c'est que regardez la façon dont est traité Donald Trump. Je veux dire, on lui passe rien, pas une demi-phrase, pas une virgule. Le mec est un salaud, une ordure, il prépare un conflit contre les musulmans, etc. De l'autre côté, t'as une espèce de grosse chiasse turque islamique qu'on appelle Erdogan et toute cette race maudite de Turcs. Qui te disent ouvertement, les mecs te le disent, ils te disent, mais les gars, on va vous remplacer, on va vous écraser, c'est nous les chefs, etc. Y a pas un mot. Y a pas un mot. Y a pas une virgule. Y a pas un. On n'entend pas un souffle. Il se passe rien. C'est fascinant, je veux dire. Et toute cette presse de gauche, toute cette intelligentsia gauche ou marxiste, pro-musulmane, ils ont tellement les yeux doux. Pour toute cette sous-race africaine, maghrébine, orientale, mais tout ce pu musulman qui déborde dans nos pays, en Occident, ils ont tellement les yeux doux pour ces gens-là qu'ils leur passent tout. Ils leur passent tout. Ah, par contre, qu'il y a un blanc avec un semblant d'esprit de résistance, alors là, par contre, lui, c'est l'infâme salaud, il faut le crucifier sur place, tu vois. Et en fait, c'est là qu'on voit le rapport de force, et c'est là qu'on voit l'attitude face à la force. Il y a ceux qui se précipitent au pied de ce qu'ils pensent être le plus puissant, et puis il y a les autres qui sont des vrais hommes, et qui résistent, peu importe les apparences.